fait, tu as récupéré ton débit ADSL. Moi, le fait d'avoir été sur des groupes tests et d'avoir demandé des offres commerciales à tous les concurrents, Orange, ils ont fait le nécessaire. En fait, ils m'avaient passé un contrat à Mega sans rien me demander et bridé à 512 kilooctets-secondes. Et donc, le fait que j'ai râlé et puis que je commence à dire que j'allais partir à la concurrence, et ils le savaient parce que des groupes tests, ça centralise tous les opérateurs. Là, je vais dire, ils m'envoient de la pub. Il y a un mec qui m'a appelé un samedi, ils m'ont débloqué ça. Bon, ils m'ont remis 20 mégas, mais tu les as pas les 20, hein. C'est même pas la moitié, hein. C'est 8-10. T'as 8-10 mégas, tout pété, c'est tout ce que t'as, quoi. Salut. Depuis, je teste un peu tous les jours là, pour voir si j'ai le débit, mais t'as jamais ouvert au-delà de 10 mégas. Hein. Et leur pub, c'est jusqu'à, donc ils te promettent pas d'avoir les 20 mégas. Mais par contre, les enfoirés, ils te donnent la moitié de ce que tu souscris. Parce que le technicien qui m'a appelé samedi dernier, il m'a dit que j'étais sur un contrat 1 méga. Je lui ai dit, attendez, ça va pas, parce que dans ce cas-là, je vais payer pour 1 méga, moi aussi, je vais me brider. Et j'ai dit, en fait, vous prenez les clients, vous programmez la Livebox pour 1 méga et en fait t'as presque 512 la moitié, donc à chaque fois ils te passent la moitié dessus. Ça, tout ça, c'est pour garder du débit pour les gens qui ont la télé, pour les d'autres trucs quoi. Ils ont pas de débit. C'est quand même mieux parce que moi j'arrivais plus à regarder une vidéo sur YouTube, c'était hyper saccadé, ça s'arrêtait pendant 10 secondes. Et donc là, depuis qu'ils m'ont remis le débit normal, je peux regarder une vidéo sans problème. Au minimum, c'était ça qu'il fallait. Bah, j'ai dit, sinon, on revient à l'âge du Minitel. Hein. Apparemment, dans mon coin, de ce que me disaient des groupes tests, parce qu'il y a un mec qui m'a rappelé pour me dire la meilleure offre qu'il y avait, pour moi, ça serait Bouygues, dans mon coin. Parce qu'ils sont mieux équipés en fibre et ils sont mieux dotés, quoi. Non, c'est des bits secondes hein, qui parlent. Hein. Donc tu peux diviser par 8, hein, parce que les octets. Ouais, ça fait un plus gros chiffre en parlant en bits secondes. De toute façon, ils privilégient les clients avec la télé et surtout les clients qui ont pris des abonnements, des bouquets là qui payent en plus. Hein. Si toi tu as le minimum, je veux dire, tu comptes pour du beurre. Hein. Tu seras dans leur robot au niveau des modems, là, dans les DSLAM, là, tu seras chinté, tu seras bridé pour favoriser le débit pour d'autres qui payent. Hein. Déjà, quelle heure il est? Oh, ma femme elle est toute gentille, elle m'amène un verre de vin blanc avec un glaçon. Des trucs à grignoter, c'est trop gentil. t'entends pas, j'ai le casque et j'ai coupé la sono. Peut-être la musique, j'arrête pas en ce moment. Hier soir, j'étais en répétition avec. Je suis dans un deuxième groupe. Je me dis, ça passe bien parce que pour quand même un apéro comme ça, qui passe par la gueule, c'est super. Ou alors, elle a quelque chose derrière la tête, elle va me demander la carte bleue, elle va aller faire des courses. Bon, bah c'est gentil, le deuxième groupe, c'est un peu plus variété. Tout à l'heure, quand je t'ai fait du zombie, quand je t'ai fait du U2, du Bono, là, c'est parce qu'on joue ça au répertoire, donc ça m'amusait de les jouer. Donc, t'as un chanteur, une chanteuse, t'accompagnes un peu derrière, donc tu fais des nappes, tu fais des trucs gentils. Bon, c'est le repos absolu, quoi. Là où je m'éclate plus, c'est avec Stick Mac. Hein. En ce moment, il est dans les Vosges là, pour les fêtes de famille avec ses gamins. Quoi. Parce que, alors, lui, j'ai dit, jouer avec, c'est autre chose. Il va falloir que je fasse une boucle sur l'ambiandro. Là, j'ai vu tout à l'heure, ça amusait un peu le monde. De façon à riffer un peu là-dessus, quoi. T'as toujours pas de micro? Là, je fais téléphone. Là, j'en ai marre de taper au clavier. En plus, avec mon clavier de merde, là, élastique, là. Faut causer un peu dessus, là faudrait mettre le BPI à 8 de façon qu'on fasse une conversation. J'ai vu qu'il y avait une option sur Reaper où tu peux mettre Normal In Jam, Voice Chat ou Session Mode. Quand tu veux ton Voice Chat, peut-être ça va plus vite. Bon, je crois que les tests, on va les faire plus tard. Là, je vais être obligé de vous laisser. Ben, je vous souhaite bon apéro à tous, hein, et puis donc à plus. J'aurai peut-être un moment cet après-midi ou dans la soirée. Voilà.